Je vais vous parler du coming out, car va savoir pourquoi, je viens seulement de réaliser à quel point ça doit être atroce d'avoir à sortir du placard. Peut-être que c'est parce que c'est tellement entré dans les mœurs que je ne me suis pas rendu compte jusque-là de la débilité de cette tradition. Sauf erreur de ma part, il me semble qu'il est question d'intimité. J'en profite pour rappeler la définition de ce mot. Caractère intime et profond, ce qui est intérieur et secret, ou encore relation étroite, union. Pour faire simple, ça ne regarde personne. Sans compter que c'est une forme de discrimination, car les hétéros n'ont pas besoin de vivre cet horrible moment où après des années d'errance en mode caméléon, il faut parler de sa sexualité à ses proches. La seconde épreuve, non moins douloureuse, est de lire la déception dans leurs yeux, si ce n'est le dégoût. On en revient aux fameuses attentes familiales dont j'ai parlé récemment. La vraie question est de savoir pourquoi, dans notre société dite civilisée, il y a ce besoin de classer les individus selon leur orientation sexuelle. Cela me rappelle vaguement une étoile jaune cousue sur les vêtements lors d'une sombre et pas si lointaine époque de l'humanité. Du coup, je me suis dit que pour plus d'équité et pour préserver cet irrévocable besoin de transparence, on pourrait créer de la même manière que la communion, bar mitzvah ou autre cérémonie religieuse, un rituel où le commun des mortels serait obligé de divulguer aux yeux du monde dans quelle case il se trouve. Asexuel, frigide, coureur de jupons, impuissant, échangiste, etc. Il va de soi que l'honnêteté est essentielle. Contrairement aux prêtres qui jurent fidélité à Dieu pour le tromper illico avec de jeunes croyants. Mes propos peuvent paraître horribles. Pourtant, je me trouve bien moins tordu que la triste réalité qui ne cesse de m'inspirer. Toujours est-il que ça serait franchement comique de découvrir la sexualité de nos connaissances, mais aussi de nos élites. Je suis persuadé que tout ce petit monde se la ramènerait moins quand ils sont contraints à leur tour de divulguer leur goût en la matière. On pourrait même rentrer dans les détails comme les positions préférées ou les tabous. C'était Eben Matisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel article.